Chapitre 9. Au moment où les fugitifs sortaient du champ d'or, Andrès, qui les poursuivait à fond de train, eut un moment d'anxiété terrible. Allait-il donc lui échapper? Et quoi? Tant de haine accumulée, tant de crimes commis, tout cela aurait-il pour dénouement cette chose exaspérante et piteuse, l'évasion? Quelques minutes encore, et le sort de sa vengeance va se décider. Et pendant qu'il éprône avec fureur son cheval, ses compagnons l'entendent gronder sourdement. Iront-ils à gauche ou à droite? À gauche, c'est la plaine et pour eux, le salut certain. À droite, c'est le défilé, où ils seront pris comme des rats. Un cri de joie lui échappe. Joey, la voiture et son peloton d'escorte s'engagent au triple galop dans la voie de droite qui mène au canyon. Et le bandit sait bien qu'il est pour eux sans issue. Démonio, ils sont à nous. Laissons-les aller. Et nous, à gauche, camarades. Il pousse alors un coup de sifflet strident qui fait obliquer sa troupe vers la plaine. Au bout d'un kilomètre, on s'arrête, comme si la poursuite était abandonnée, pendant que des nouveaux cavaliers, dégrisés, mal éveillés, arrivent peu à peu grossir l'effectif. Bientôt, ils sont plus de 200. Alors Andrès juge que les fugitifs sont assez engagés dans la gorge pour qu'il soit possible de leur couper sans danger la retraite. Il détache à leur suite une 60aine d'hommes avec mission de les empêcher, coûte que coûte, de revenir en arrière. Lui-même va se tenir à proximité pour agir en temps opportun et selon les événements. Peu de temps après, un desperado arrive à toute bride et lui fournit les renseignements sur l'opération. Les mineurs de Jean de Fer se sont enfuis par la faille, mais la voiture emportant les fugitifs, avec les fausses vivandières, ainsi que Jean et Harry Jones, a gravi la montagne. À présent, hommes et femmes se trouvent à mi-côte, cernés sur une plateforme. On les assiège et on les prendra par la famine. « Bien manœuvré !» fait Andrès en se frottant les mains. « À présent, ils sont à nous. Qu'on vienne, de 2 en 2 heures, m'informer de tous les événements. Et nous, camarades, rentrons au camp. » Ils reprennent lentement, pour permettre aux chevaux de souffler, le chemin du Diggin et arrivent à 10 heures. Pendant cette marche, Andrès a tout le loisir de songer à ses multiples péripéties, dont la rapidité le déconcerte et le pousse aux résolutions suprêmes. Avec des hommes tels que Jean de Fer, Joey Mousqueton et Harry Jones, on doit s'attendre à tout, et lui, Andrès, n'aura jamais un moment de trêve. Tant qu'ils ne seront pas abattus, il faut donc les frapper sans retard. Mais il y a aussi ce trésor dont l'opulence affole son âme de bandit, ainsi partagée entre la haine et la cupidité. Vengeance atroce, convoitise insensée, laquelle l'emportera? Laquelle pour attendre quelques jours? Andrès ne peut pas se résoudre. Mais à la rigueur, il est possible de poursuivre en même temps ces deux objectifs. Tenir étroitement assiégés les fugitifs et s'emparer du trésor avec une rapidité foudroyante. Enlever ce dernier, dans les 24 heures, par un coup de force, puis donner l'assaut aux fugitifs en les attaquant avec toute la bande. Tout cela peut se faire en 48 heures, et il est impossible, d'ici là, que Jean de Fer puisse recevoir des secours suffisants pour résister aux 200 hommes dont lui, Andrès, dispose. Dès lors, toute hésitation cesse. Au trésor! Au trésor! Jusqu'à présent, il a été impossible à Andrès de suivre pas à pas et de chambre en chambre la voie compliquée, tracée en ligne de sang, sur le mouchoir, et qui conduit à la salle du trésor. Il ne connaît pas les dispositions de l'antique refuge. Il sait seulement que là, sur un espace relativement restreint, se trouve un prodigieux amas d'or. Mais de ce dernier, il ignore l'emplacement exact. Une fois Jean et Joey disparus, il comptait faire seul, plus tard et à loisir, ce voyage d'exploration. Mais puisqu'aujourd'hui le temps matériel lui manque, eh bien, ma foi, en avant les grands moyens. Ces grands moyens consistent simplement à faire sauter la façade antérieure de la cité aérienne, l'unique manière, selon lui, de mettre en un moment le trésor à découvert. Sa résolution prise, il songe à l'exécuter sans retard. On arrive au camp. « Allons, » dit-il, « qu'on apporte à l'instant toute la dynamite disponible. » Il y en a plus de 500 kilogrammes. C'est suffisant pour accomplir l'œuvre de dévastation. Très satisfait, Andrès donne rapidement ses derniers ordres. Emporter des instruments de mineurs, répartir entre les 200 hommes toutes les cartouches de dynamite, prendre des provisions pour 2 jours, donner à manger aux chevaux et se mettre en route. Au bout d'une heure, tout le monde est en selle. La bande prend à revers le chemin que parcourent les voitures conduites par Mamita et Joey, quand la mère et le fils jouèrent si parfaitement leur rôle et accomplirent l'audacieuse évasion. Les cavaliers traversèrent le torrent, devenu, on s'en souvient, une simple rivière près de la lagune. Puis, guidés par Andrés, ils arrivèrent après une rude étape à la cité des airs. Il faisait presque nuit. De plus en plus pressé, Andrés fit pratiquer à la base du rocher quantité d'excavations pour recevoir la dynamite, et ce travail acharné dura plus de 15 jours. Au grand jour, il continuait encore. Alors, Andrés fit amorcer et placer une à une les cartouches dans les trous de mine. Et cela prit encore 2 heures. Enfin, tout est prêt. Le bandit inspecte minutieusement le travail et vérifie la quantité de cordon Bickford adapté à la mine du milieu. « C'est parfait, » se dit-il. « Une seule mèche suffit et toutes les cartouches détonneront par influence quand la première éclatera. » Puis il crie au desperados « Camarades, retirez-vous. Mettez-vous à l'abri, car il ne fera pas bon ici dans un moment. » Puis il s'avance, retire de sa bouche sa cigarette, la met en contact avec le cordon Bickford et s'enfuit. 1 minute s'écoule. Brusquement, la terre tremble. Une effroyable explosion retentit. Une fumée intense monte en un nuage blanc qui enveloppe la Sierra. Puis, un fracas de rochers écroulés suit l'explosion qui se répercute en écho lointain à l'infini. Les bandits accourent et demeurent ébahis. L'œuvre de dévastation est terrible. La montagne est éventrée. Du premier rang de fenêtres, avec leurs paliers, il ne reste plus rien. Sur la droite, un immense pan de roche s'est effondré, démasquant une vaste cavité insoupçonnée. Au bas de la muraille broyée, s'est formé instantanément un talus composé de tous les débris. Ce talus n'est point rapide et permet sans difficulté l'accès de tous ces réduits où, pour la première fois, pénètre le grand soleil. « Mes amis !» s'écria leur Andrés. « C'est là, cette Sierra de l'or, ce nid de l'aigle des anciens rois du pays. Là est le fabuleux trésor de la légende. Ce trésor est à nous, camarades, en avant !» Surexcités, les desperados, qui ne s'attendaient point à l'opulente aubaine, poussent un hurlement de joie. Puis, ils bondissent à l'assaut du talus et arrivent à la grande salle qui n'a plus que 3 côtés. À ce moment apparaît Jean de Fer devant l'entrée secrète que fermait la dalle. Il voit la ruine infernale des brigands et comprend tout. Il n'a pas le temps d'improviser une défense. 25, 30, 50 desperados arrivent en rang pressé avec leurs armes brandies, leurs gestes de démons, leurs cris de fauve à la curée. Juana, son père, Harry, Joey se pressent à côté de lui, en proie à l'angoisse effroyable de ce moment suprême. Du regard, il cherche Andrés, dont il devine la présence et ne l'aperçoit pas. D'instinct, il tire un de ses revolvers et le décharge avec une vitesse foudroyante. Une 12 desperados culbutent et roulent sous les pieds de leurs camarades. On ne s'entend plus au milieu des coups de feu et des hurlements. Il y a un moment de stupeur parmi les misérables qui croyaient trouver une solitude complète. Ils ripostent au hasard. Les balles sifflent et font voler des éclats de granit, écorchent l'entrée et, par miracle, n'atteignent personne. Jean n'a pas le temps de recharger son revolver. Il le laisse tomber et saisit le second. Encore 6 coups à tirer. Il crie d'une voix de tonnerre et bondit hors de la salle. « À toi, Joey! À vous, Harry !» Intrépidement, les 2 jeunes gens s'élancent près de Jean et apparaissent entourés d'éclairs de poudre. Pendant 1 minute, ils supportent l'attaque, risquant aveuglément leur vie, superbes, héroïques, désespérés. Il y a un flottement parmi les assaillants, mais ils voient le petit nombre de ces formidables lutteurs et de nouveau se ruent à l'attaque. Don Blas a ramassé une carabine et se joint à eux. On se souvient que Juana et Flore ont reçu chacune un revolver au moment de l'évasion. Elles accourent, toutes pâles, résolues à combattre comme des hommes, puis, enfin, Mamita et Doña Laura elles-mêmes. « Ils ne nous auront pas vivantes !» crie Juana qui se dresse à côté de Jean. « En avant, camarade, en avant !» hurle une voix que Jean reconnaît. « Andrés, lâche, tu te caches, lâche !» Pressé, débordé, le groupe tragique va être cerné. Déjà, des pattes griffues s'allongent pour saisir les femmes, des couteaux luisent, des revolvers s'allongent. C'est la fin. Jean fait feu à bout portant, une dernière fois. Harry et Joey ont épuisé leurs cartouches. Tous trois saisissent leurs poignards. Puis, c'est le corps à corps, la dernière convulsion. Le moment suprême où la mort va les prendre. Alors, une clameur épouvantable et d'une tonalité farouche retentit. Un hurlement de bête qui emplit la crypte et couvre le tumulte du combat. « Ya ! Ouh, ouh, ya ! Ouh, ouh, ouh !» Le cri de guerre des Indiens. Joey, Fleur de Sol et Mamita répondent à ce sauvage signal qui vibre de tous côtés et glace d'épouvante les desperados. En même temps, une trombe humaine fait irruption dans la salle et balaye tout sur son passage. Des démons à demi nus, à la face de bronze, aux membres cordés de muscles, aux yeux et aux dents de fauve. Pas d'autre arme que le couteau à scalper, le terrible couteau indien, à la pointe d'aiguille, au tranchant de rasoir. Les démons rouges entendent le cri qui répond au leur et ne se possèdent plus. Agiles, furieux, intrépides, ils tombent comme la foudre sur les bandits. En tête apparaît un géant. « Élan rapide, mon père, à nous !» Les desperados n'ont même pas le temps de se retourner, chacun d'eux est empoigné à la nuque par une main de fer, puis un éclair d'acier, un jet de sang, puis une immense clameur d'agonie. L'ultime gémissement de 100 hommes massacrés d'un seul coup. Cette effroyable exécution n'a pas duré 20 secondes. Et maintenant il y a partout des corps étendus, palpitants, dont les derniers sont tombés aux pieds de ceux que cette intervention miraculeuse vient de sauver. Il y a un moment de silence poignant. Une action de grâce émue va jaillir de la bouche de Jean, de Don Blas, de Juana, de tous. Quand un des moribonds se dresse à demi, là, tout près, à 2 pas de la jeune fille. Dans sa main défaillante et crispée par un suprême effort de volonté, il tient un revolver. Avec la vitesse de la pensée, il fait feu sur Juana en râlant d'une voix éteinte, mais où vibre un dernier accent de triomphe. « Elle sera à moi, dans la mort !» C'est Andrés. Oui, Andrés qui, traversé d'un coup de couteau, retombe à l'instant où éclate la détonation. Un cri déchirant succède au fracas de l'arme à feu, et ce cri, ce n'est pourtant pas à Juana qui l'échappe. Au moment précis où Andrés, agonisant, presse la détente de son arme, Harry Jones, qui se trouve à côté de la jeune fille, se jette devant elle, et c'est lui qui reçoit à sa place la balle en pleine poitrine. Frappé mortellement, le géant exhale cette plainte funèbre qui glace d'effroi les assistants. Il tressaille de la tête aux pieds, aussi, et tombe entre les bras de Joey. « Harry, oh mon Dieu !» sanglote, atterré, Juana. « Harry, pauvre Harry !» s'écrie Jean. Il saisit ses mains, les presse, et lui balbutie des mots sans suite qui disent leur désespoir. Arc-bouté sur la robuste poitrine du métis, le blessé les contemple longuement, de ses grands yeux gris à demi voilés par la mort. « Ami, dit-il d'une voix entrecoupée, je meurs. Oh, ne pleurez pas. Il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Et puis, je l'ai voulu. À quoi bon la vie pour moi ? Je suis heureux d'avoir ainsi sauvé votre bonheur. » Ils rassemblent leurs mains, et sa voix devient de plus en plus faible. Car j'ai deviné le secret de vos âmes si vaillantes, si nobles. Juana. Chère Juana. Jean. Cher Jean, soyez unis. À ces mots, ses yeux se ferment, tout son corps se crispe, une gorgée de sang monte à ses lèvres. Il se raidit au bras de Joey, puis expire dans un dernier spasme. Ah, pourquoi faut-il que cet épilogue si douloureux de la lutte vienne ternir la joie de cette délivrance inespérée et, pour tout dire, miraculeuse. Cependant, le massacre des hommes d'Andrés se continue au dehors, en bas du talus et sur le talus lui-même. Les bandits, surpris au moment de l'attaque par l'arrivée soudaine des Indiens, n'ont pas eu le temps de résister. La défense d'ailleurs était impossible. Les Apaches sont plus de 400. En un moment, l'anéantissement de la bande est complet. C'est l'implacable revanche et la paix désormais assurée. Jean et Joey transportent le pauvre Harry au bas des marches de l'hôtel et le couchent sur des harappes étalées en toute hâte. Le métis applique l'oreille sur sa poitrine, écoute si le cœur bat et murmure tristement c'est fini. » Juana tombe à genoux et dépose un baiser de sœur sur le front de celui qui vient de périr pour elle, et incapable de proférer un mot, éclate en sanglots. Jean la relève doucement, l'arrache à ce douloureux spectacle, et l'entraîne vers ses parents, qui la pressent convulsivement sur leur cœur. Mamita s'approche à son tour et contemple, l'œil humide, le malheureux désespéré qui expiait si cruellement et si noblement la faute de son père. Puis elle dit d'une voix qui tremble, « Et toi, pauvre enfant, repose en paix. » À présent, les derniers râles des mourants se sont arrêtés. Les Indiens ont cessé leur sauvage clameur. Un silence religieux plane sur l'horrible scène de carnage. Devant ces emblèmes sacrés sculptés par leurs ancêtres, les Apaches éprouvent une émotion profonde. Ce temple mutilé, dont ils ignoraient l'existence, ces dieux de pierre, figés dans leur hiératique immobilité, ces blancs qu'ils ont arrachés à la mort et qui se trouvaient emmurés dans cet hypogée sans issue, tout cela déconcerte leur compréhension de primitif. Enfin, ils allaient secourir Jean de Fer et Joey, l'homme fusil, leurs amis, et ils se trouvent en présence de l'orgueilleux Ascendero et de sa femme. Ils revoient Juana, la belle rose blanche, et Fleur de Sol, l'enfant chéri de la tribu, disparu depuis quelque temps sans laisser la moindre trace. En vérité, ils ne savent plus, et malgré leur impassibilité proverbiale, vont interroger. Un incident touchant les arrête un moment. Pour la seconde fois, Fleur de Sol s'écrie « Élan rapide, mon père !» D'un bond, elle se jette dans les bras du chef, se pend à son cou et l'embrasse éperdument à la façon des Blancs. L'Indien la serre sur sa vaste poitrine et un sourire d'orgueil illumine son masque de bronze quand Joey lui crie « Les deux mains tendues !»« Chef, votre petite Fleur est brave comme le plus brave de vos guerriers !»« Je crois, » répond le chef, « que depuis longtemps le rossignol des nuits embaumées, notre scène soutelée, a chanté dans le cœur de la Fleur du Soleil le nom de Joey. Si l'enfant consent, tu seras mon fils aimé. » « Oui, père, et de toute mon âme, » répond gravement la fillette. « Joey est aussi brave qu'il est bon, aussi fort qu'il est dévoué. Il est l'ami de mon cœur, il sera le compagnon de ma vie. » « Et nous ne nous quitterions jamais, » ajoute Juana, qui s'est approchée du couple radieux. « Nous ne formerions plus qu'une grande famille, unie par l'affection profonde, inaltérable, issue des périls courus en commun et de la gratitude sans borne que nous professons toujours pour ceux qui nous ont sauvés. Ah, père, si vous vouliez !» Don Blas et l'élan rapide se trouvent face à face. Ah, ce n'est plus l'orgueilleux Espagnol, si fier de son sang bleu, si arrogant devant la nation conquise, les bimains à peau rouge. Dédain, morgue, préjugés, tout cela s'est effondré dans la tourmente qui a failli les emporter tous. Spontanément, d'un geste empreint de franchise et de cordiale sympathie, il lui prend les deux mains et lui dit de sa voix profonde « Chef, je vous ai toujours méconnu. De parti pris, j'ai ignoré les grandes et nobles vertus de votre race. Pardonnez-moi. Marijuana, votre rose blanche vient de le dire, ne formons plus désormais qu'une grande famille. Nous rebâtirons un foyer auquel vous viendrez vous asseoir. Votre fille Fleur de Soleil, la bien nommée, est déjà, par l'affection, la sœur de la mienne. Vous serez mon frère. » Les Indiens, qui se pressent autour de Don Blas, accueillent par un murmure flatteur ces loyales paroles, et l'élan rapide répond gravement « Mon frère a bien parlé. » À la prière de Rose Blanche, il a épargné Élan Rapide et Fleur de Soleil, qui étaient alors ses ennemis, et de ce jour, le père et l'enfant ont aimé les Blancs, parce que la reconnaissance est une vertu rouge. Aujourd'hui, mon frère nous offre son amitié. Je l'accepte avec bonheur en échange de la nôtre. Elle sera désormais éternelle entre nous. » Jean de Fer s'approche à son tour, échange une rude accolade avec Élan Rapide et ajoute « Bien dit, chef. » « Oui, cette amitié sera sans fin, comme la reconnaissance de ceux que vous avez sauvés. » Ne parlons plus de cela, ô vous qui êtes l'ami si cher des hommes à face rouge. Soit, n'en parlons plus, et pensons-y toujours. Mais, dites-moi, ami, comment avez-vous pu arriver ici au moment où nous allions succomber? Combien y a-t-il de temps que nous vous avons quitté à la lagune, au crocodile ? Ma foi, je ne sais plus, tant d'événements se sont passés. J'avais promis de venir à votre secours dans 2 lunes, si vous ne reparaissiez pas. Or, c'est aujourd'hui la 2e lune, vraiment. C'est pourquoi, sentant le danger, nous avons pris votre piste et celle de Joé. Nous l'avons suivie. Elle nous a menés ici, à l'instant où Andrés faisait sauter la montagne. Comment ? Vous n'avez pas rencontré une troupe de mineurs mexicains, des amis partis chercher de l'aide ? Non. À ce moment, on entend des cris de joie accompagnés d'un galop rapide. Une douzaine de cavaliers arrivent à toute bride. Blessés pour la plupart, mais fermes en selle, ils aperçoivent la brèche et reconnaissent le petit groupe mêlé fraternellement aux Indiens d'élan rapide. « Les mineurs ! Les mineurs !» s'écrie Joey. Il dégringole à travers les éboulis jonchés de cadavres et ajoute « Ravi !» Vous, c'est vous. Ah, nous n'espérions plus vous revoir. Caramba, répond l'un d'eux, ce n'est pas sans peine. Et il y a eu un fier tirage. Nous n'avons pas trouvé de secours. Le temps pressait. Alors nous avons contourné la Sierra et nous revenions lutter jusqu'au bout et périr avec vous. Mais les rascals qui vous assiégeaient, ne vous trouvant plus là-haut, avaient quitté la place. Nous nous sommes rencontrés et l'on s'est battus. Or, nous ne sommes pas manchots, et nous en avons tant tué. Tant tué que le reste s'est enfui. Ah, vous êtes de braves gens, de dignes cœurs. Mais venez, chers amis, venez. Vous avez été à la peine. Il faut que vous soyez à l'honneur. Ils descendent péniblement de cheval, et faibles, chancelants, escaladent en trébuchant les décombres. Les Indiens les aident, les soulèvent, les portent. Toutes les mains se tendent vers eux, toutes les bouches les acclament. On les presse, on les étreint, on les embrasse. Alors Jean, résumant la pensée commune, leur dit avec dignité « Amis, vous avez loyalement et au péril de votre vie collaboré à l'œuvre de notre salut commun. Je veux à mon tour, et bien au-delà, tenir mes engagements avec vous. Une somme importante sera prélevée pour vous sur le trésor, et nous serons toujours vous obligés, car il est de ces services que rien ne saurait payer. Quant à cette fortune immense, j'estime qu'elle doit être affectée au fonctionnement de la vie commune, au bien-être de la grande famille que nous venons de fonder. Et ce sera comme une restitution, n'est-ce pas, Don Blas ? Oui, Jean, oui, Tonio Valdés. Oh, vous, que je suis heureux et fier d'appeler mon fils !» Ainsi s'achève le tome 3e et dernier de Juana, la fiancée mexicaine, par Louis Bousnard.